Nous sommes donc à la fête de l'Ascension. Nous touchons près du terme de ce temps pascal. 40 jours après Pâques, donc, Jésus monte au ciel avant de nous envoyer l'Esprit-Saint à la Pentecôte, donc, que nous célébrerons dimanche prochain. Si Jésus monte au ciel, c'est d'abord pour retourner d'où il vient, sorti du Père, il est venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, dit-il, je vais vers le Père. Mais cette grande boucle, eh bien, c'est celle de la rédemption. C'est-à-dire que le Fils de Dieu est venu dans notre condition humaine et il s'est fait obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix pour nous racheter de nos fautes. Et Dieu l'a fait Fils de Dieu selon l'Esprit avec puissance par sa résurrection d'entre les morts. Il l'accueille dans sa gloire. Mission accomplie. Alors il y a un petit détail dans l'Évangile qui est assez suggestif, assez intéressant, c'est qu'au moment où Jésus va partir au ciel, il lève les mains pour les bénir. Et c'est un geste qu'on retrouve nulle part ailleurs dans l'Évangile, Jésus impose les mains, mais ici, il lève les mains pour les bénir. En fait, il reprend le geste du grand prêtre au temple de Jérusalem. Pourquoi est-ce que Luc le présente à ce moment-là comme le grand prêtre? Eh bien, c'est parce qu'il vient de réaliser le grand sacrifice qui rend tous les autres sacrifices obsolètes et qui satisfait la justice divine qui nous réconcilie avec le Père. Mais l'ascension est le dernier moment de ce sacrifice. Le premier moment, c'est l'offrande sur la croix. Mais le sacrifice n'est complet que quand il est agréé par le Père. Il est reçu comme un sacrifice d'agréable odeur. Et à ce moment-là, la bénédiction du Père descend sur le monde. C'est le grand cycle de la logique sacrificielle. On n'est pas habitué à ce vocabulaire ou à ce type de dynamisme dans un monde dont le ciel est fermé et qui n'a personne au fond à remercier au ciel. Le sacrifice dans notre esprit, c'est d'abord quelque chose de douloureux, c'est un renoncement, quelque chose de sanglant peut-être ou de violent, mais ce n'est pas le sens profond du mot « sacrifice » dans la Bible. Je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, dans cette fête des mères, peut-être que vous avez acheté un bouquet de fleurs pour votre maman, et puis, selon un petit rituel familial, vous lui avez offert, elle a accueilli cette offrande, et elle vous a embrassé en vous disant qu'elle vous aime. Ben, vous avez fait un sacrifice, sans le savoir. Pas seulement parce que vous avez pris quelque chose de votre bourse, et vous êtes privé d'une petite richesse pour acheter ces fleurs. Mais parce que, envers quelqu'un pour qui vous avez une dette immense, vous avez voulu exprimer quelque chose d'une reconnaissance et d'un amour. Donc, vous avez pris un peu de votre argent, vous avez acheté ces fleurs, et par ce petit rituel familial, ces fleurs qui n'avaient pas d'autre valeur que biologique sont devenues comme une offrande sacrée. Et votre mère, qui a été touchée par ce geste, l'a accueillie et vous a embrassé et a renouvelé l'amour entre vous. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais le bouquet qu'il présente au Père, c'est notre humanité sacrifiée sur la croix. Il a pris une part de la création, il a pris nature humaine pour faire cette offrande. Et cette offrande, ce soir, elle monte vers le Père qui l'accueille comme le bouquet de fleurs et qui donne à Jésus le baiser de l'amour. Ce baiser, c'est celui de l'Esprit-Saint qui va renouveler la face de la terre. Donc la boucle est bouclée. Le sacrifice est achevé. La paix est donnée au monde. La conversion pour le pardon des péchés peut être annoncée en toute justice, car vraiment c'était Dieu qui, dans le Christ, se réconciliait le monde. Mais qu'est-ce qui nous arrive à nous maintenant? Car l'Épître aux Hébreux nous dit donc que le grand prêtre est entré dans le sanctuaire du ciel pour intercéder en notre faveur. Et ensuite, il dit, c'est avec pleine assurance que nous pouvons entrer dans le sanctuaire du ciel grâce au sang de Jésus. C'est-à-dire que Dieu le Père, maintenant, nous regarde nous-mêmes comme des prêtres. Et en effet, par le baptême, la puissance du Saint-Esprit a réalisé un être nouveau. Nous sommes capables d'entrer dans cette logique sacrificielle, pas forcément d'une manière sanglante comme celle de Jésus, mais nous allons entrer dans ce dynamisme d'abaissement et de glorification. Nous allons reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous allons nous mettre au service les uns des autres dans la charité fraternelle. Nous allons reconnaître que Dieu est notre Créateur, notre Sauveur, le souverain des rois de la terre, et nous allons chercher à lui obéir. Et Dieu, par cet abaissement, curieusement, au même moment, nous élève à la dignité de fils. Il nous couronne de tendresse et d'amour. Il nous donne les vertus théologales, les dons du Saint-Esprit et ses trois charges de prêtre, prophète et roi. Et toute notre vie va être consacrée. Mardi soir, j'ai eu une soirée magnifique sur la théologie du corps animée par M. Yves Semen. Et ça va attirer une belle foule. Il nous rappelait les paroles de Jean-Paul II, que lui-même avait citées du Concile Vatican II. L'homme est la seule créature voulue pour elle-même et il ne se réalise pleinement que dans le don sincère de lui-même. Autrement dit, la créature humaine qui est unique dans la nature est faite pour le don. Elle est faite pour entrer dans cette logique sacrificielle d'offrande de nous-mêmes. Et le pape Jean-Paul II nous dit dans ses théologies du corps que quand Adam voit Ève dans la différence sexuée, il comprend qu'il est fait pour le don et qu'elle-même est faite pour être sa compagne. Dans le corps sexué est inscrit la logique du don. L'homme est fait pour la femme et réciproquement. Ils sont faits pour s'offrir l'un à l'autre dans un sacrifice spirituel qui ressemble à cette élévation que je vais faire tout à l'heure quand je vais vous montrer le corps de Jésus. Ce corps eucharistique est là pour nous indiquer que nos corps sont faits pour l'offrande de nous-mêmes. Une offrande désintéressée, comme dit le Concile, une offrande sincère, c'est-à-dire sans mélange, une offrande définitive, la plus totale possible, qui se réalise dans le couple humain, évidemment par le mariage, ou dans la vie consacrée. Et donc, l'Eucharistie nous saisit dans cette élévation, alors que le monde veut nous précipiter vers le bas. Et comme disait M. Semen, à chaque fois que nous regardons l'autre comme un objet et non comme un sujet, eh bien nous tombons dans cette vulgarité et ce matérialisme. Mais Jésus est là pour nous saisir chaque fois. Et c'est pour cela que nous venons, frères et sœurs, à la messe pour renouveler le sacrifice de Jésus. Il n'a pas besoin d'être renouvelé en lui-même, il a été fait, il est parfait et tous ses mérites suffisent à nous donner la vie éternelle. Mais alors pourquoi est-ce qu'on le recélèbre sans cesse? Eh bien c'est parce que ce sacrifice, frères et sœurs, il s'élargit à vous. Vous qui êtes le corps mystique, vous donnez au sacrifice de Jésus une plénitude en tant que membre et par l'offrande de votre vie. À chaque fois que vous venez à la messe, vous venez avec ce que vous êtes, avec vos joies, vos peines, vos forces, vos faiblesses, vos souffrances, vos efforts, vos labeurs. Tout cela par votre sacerdoce baptismal et par l'union à l'offrande de Jésus. Tout à l'heure, je vais dire, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Eh bien, tout cela monte vers le Père comme un parfum d'agréable odeur. Et le Père renvoie sur le monde sa bénédiction. Il nous renouvelle dans le Saint-Esprit sans cesse. Et c'est ainsi que petit à petit, nos existences et le monde entier sont consacrés et deviennent, ou sont transformés plutôt, toutes ces réalités profanes et sans finalité ultime, tout cela prend son sens et est accueilli par le Père. Alors Jésus nous dit ce soir, vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit. Eh bien, demandons à la Vierge Marie d'accueillir ce baiser du Père qui nous consacre, qui nous saisit dans l'offrande de Jésus, qui fait de nous des êtres de gloire, bien que nous soyons encore sur la terre, parce que nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur qui est Esprit dans la puissance eucharistique du corps de Jésus, ce corps de don qui fait de ta vie un « je t'aime », un unique acte d'offrande, un unique acte d'amour, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, Seigneur, envoie cette force dans notre faiblesse, car hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Renvoie-nous cet ascenseur par lequel tu es d'abord descendu et tu es monté au ciel, cette puissance de l'Esprit-Saint qui nous entraîne dans cette imitation de ton humiliation pour participer à ton exaltation. Oui, Esprit-Saint, viens saisir tout ce que nous sommes, viens le consacrer dans notre sacerdoce baptismal. Amen.